Stephen King aime aussi les téléphones fixes, Stephen King aime les paradoxes temporels, Stephen King a scénarisé Désolé, bon numéro, et John Harrison l'a réalisé. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock, je suis comme toujours avec Chris, salut. Hello. Comment vas-tu? Ça va, et toi? Ça va, quoi de neuf depuis le dernier enregistrement? Oh bah pas grand chose, les fortes chaleurs commencent à arriver. Ouais, c'est pénible. On préfère le printemps ou l'automne, et on espère grandement que nos concitoyens ne soient pas bêtes demain, voilà. Ouais, parce que là, on enregistre la veille du premier tour des législatives du cringe, là. Voilà. Et effectivement, c'est fou, d'ici que l'épisode sortira, les deux tours seront passés. Ah oui, c'est vrai. C'est bizarre de se dire ça. Les gens qui écouteront ça sauront sous quel régime ils vont vivre pendant au minimum un an. Voilà, alors que nous ne le savons toujours pas. Et... Ouais. Nous rongeons notre frein, comme on dit. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, là, j'espère que les gens vont pas trop faire n'importe quoi. En étant pas méga optimiste non plus. Hein. Non, voilà, c'est surtout ça le problème. On verra. Ce sera intéressant, du coup, d'entendre ça quand les tours sont passés, mais je suis pas super optimiste, pour être honnête. Non, moi non plus. Voilà. Pour les actus liées à King, a priori, il y a enfin une date de sortie pour la nouvelle adaptation de Salem. Ça devrait sortir, je crois, en octobre de cette année aux États-Unis. Donc, possiblement pas avec un gros décalage en France. Mmh. Après, d'ici que ce soit décalé une nouvelle fois, hein, on sait jamais. Cette adaptation, ça fait quand même un moment qu'elle est en train de traîner. Oui, effectivement, on en avait déjà parlé lors d'un précédent numéro. Ouais. Il y a pas mal d'annonces de casting concernant Welcome to Derry ces derniers temps et aussi concernant l'adaptation de Marche ou Crève. Donc a priori, ça semble vraiment sur des bons rails, ça. Enfin, de la nouvelle production, surtout. Oui, c'est ça. Contrairement à notamment l'adaptation de La Petite Fille qui aimait Tom Gordon, dont à nouveau, on n'entend absolument plus parler. Ok, ouais, okay. Vraiment au point mort, quoi. Ouais, c'est ça. Ce qui est compliqué, parce que si à chaque fois le machin reste 2 ans dans les tiroirs, évidemment, toutes les petites filles qu'ils peuvent trouver en actrice, en plus, d'ici que le temps passe, elles ont 18 ans, donc... Ah oui, c'est vrai que c'est problématique, du coup. C'est un truc à lancer vite, aussi, comme type de projet. Et sinon, j'ai lu, donc, You Like It Darker, son dernier recueil de nouvelles, donc sorti il y a grosso modo un mois maintenant, aux États-Unis en VO, et il est vraiment bien. C'est des plutôt grosses nouvelles, il me semble. C'est façon brume, en fait. Il y a une nouvelle qui est un roman court, en réalité, qui fait dans les 150 pages. Les autres, par contre, sont des relativement courtes. Les plus longues doivent être... Non, il y en a une de 80 pages, quand même. Mais sinon, c'est 40 pages maximum. D'accord, je pensais que c'était un peu façon si ça saigne, ou minuit 1, minuit 2. Mais non, au total, il y a 12 nouvelles dans le recueil. Oui, d'accord. Mais voilà, c'est entre 10 et 150 pages. Et les meilleures, bah celle-là très longue est vraiment bien. C'est une nouvelle policière bien menée, assez classique, mais qui fait le taf. Il y a une nouvelle très Lovecraftienne qui parle de tentative d'aller dans un monde de l'esprit souterrain via les rêves, qui est vraiment très très bien. Mm-hmm. La suite de Cujo, tu sais, dont ça avait pas mal parlé, Rattlesnakes... Oui. Et inattendu, je ne m'attendais pas à ce que ça ait cette forme, et en fait, elle est vraiment très bonne. Le personnage qui revient de Cujo, en réalité, c'est Vic Trenton, donc le mari de l'héroïne de Cujo. Et c'est une nouvelle qui traite plutôt du deuil et compagnie. Elle est vraiment très très bien, celle-là. Oui, parce que c'est vrai qu'il est absent tout le récit. Il n'est là qu'au tout début, avant de partir. On le voit quelquefois quand même qui s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de sa femme. Mais donc voilà, c'est un recueil de nouvelles globalement solide, donc ça fait plaisir. Ok. Mais donc aujourd'hui, nous allons parler d'un scénario inédit de King, d'un scénario original plutôt de King, mais relativement court, qui s'appelle Désolé, bon numéro. C'est un épisode de la série Tales from the Dark Side. C'est le 9e épisode de la saison 4. À noter que, cas presque unique pour les scénarios de King, il a été repris à l'écrit dans un recueil de nouvelles, puisqu'il est dans Rêve et Cauchemar. Donc Oui. vous pouvez le lire dans Rêve et Cauchemar en version traduite en français, parce que sinon la saison 4 de Tales from the Dark Side n'a pas été doublée en français, et ça peut être un peu difficile à trouver aujourd'hui. Il me Voilà. semble qu'il n'y a que la première qui l'a été. Pas une Ouais, série qui a peut-être la vraiment franchi les deuxième. frontières. Oui, c'est ça. En même temps, les séries d'anthologie comme ça, il n'y en a pas des masses hein, qui ont franchi les frontières. Les Contes de la Crypte, c'est quand même un cas relativement unique. Et puis surtout, c'était pas si courant que ça à l'époque. Oui, bah ça redevenait, il y a eu une petite vague quand même dans les années 80-90, justement. Bah maintenant, ce qui se fait le plus, c'est des séries d'anthologie, mais par saison, finalement. Ouais. Même s'il y a Creepshow, toujours, Oui, qui est toujours. repris. Et la nouvelle version de la quatrième dimension. Aussi, ouais. Bon, bah, je propose qu'on y aille tout de suite. On va spoiler évidemment l'épisode, mais en même temps, ça fait 20 minutes. Vous avez bien le temps de le regarder avant de revenir Oui. écouter ça, hein, si vraiment ça vous intéresse. C'est vrai que c'est tout court. C'est parti! Désolé, bon numéro nous raconte l'histoire d'une femme au foyer qui, un soir, reçoit un appel mystérieux d'une personne en pleurs, dont on ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle est persuadée que c'est quelqu'un de sa famille qui l'a appelée et qui a donc des problèmes, et donc elle va appeler sa fille, sa mère, sa sœur pour essayer de se renseigner sur ce qui va mal, mais non, tout le monde va bien et personne ne l'a appelée ce soir-là. Et quelques heures plus tard, dans la nuit, son mari meurt d'une crise cardiaque. À la base, c'est un projet que King a proposé à une autre série d'anthologie qui était Amazing Stories, une série développée par Spielberg qui n'a pas eu énormément d'épisodes, ça a été relativement court, Amazing Stories, même si ça a eu un certain succès, tout de même. J'en avais déjà entendu parler, en tout cas, moi. Bah moi pas du tout, tiens, tu me l'apprends. Spielberg a peut-être réalisé un ou deux épisodes, mais il est vraiment surtout producteur, hein. C'est un truc qu'il a chapeauté et qui a un ton globalement un peu plus léger. Donc justement, ce que dit Spielberg, c'est que le ton est peut-être un peu lourd pour ce qu'il recherche, parce qu'il voulait quelque chose qui soit accessible, peut-être pas aux plus petits enfants, mais quand même qui reste relativement familial, et il trouvait le scénario de King peut-être un peu sombre par moment. D'accord, oui, il voulait quand même du tout public, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Ce qui veut dire que c'est la deuxième fois qu'on parle d'un projet entre King et Spielberg qui n'a pas abouti, puisque je ne sais pas si tu te rappelles, mais à la base, Rose Red, c'était un projet lointain d'adaptation de Shirley Jackson auquel Spielberg avait été rattaché pendant un temps. Oui, je me souviens. Ça aurait pu être intéressant de voir le résultat. Oui, c'est ça. Tales from the Dark Side, donc King va se tourner vers cette série plutôt, qui est du même genre, série d'anthologie, mais qui diffuse des scénarios un peu plus clairement orientés horrifiques. On en a déjà parlé de la série, puisque c'est de là qu'est dérivé le film Dark Side, Les Contes de la Nuit Noire. Ouais, qu'on avait trouvé plutôt sympathique, même si le segment adaptating n'était pas le meilleur. Ouais, mais il était quand même bien, hein, c'était le chat Oui. noir, ça restait bien correct. Mais effectivement, le meilleur segment n'était pas de lui. Et c'est une série donc, qui avait été lancée suite au petit succès du film Creepshow par Romero, qui donc a marqué quand même un certain renouveau de ce genre de série. Dans Tales from the Dark Side, King n'a été impliqué que deux fois, donc cette fois-ci directement avec Désolé, bon numéro. Et il y a un épisode qui adapte une de ses nouvelles, Machine Divine à traitement de texte, dont on parlera quand on le piochera. Mais c'est pas scénarisé par King, par contre, l'épisode Machine Divine. Oui, c'est juste, ça adapte sa nouvelle. Ouais, c'est ça. Par rapport au scénario qu'il a écrit initialement, quelques coupes vont être faites pour réduire un peu la durée pour l'adapter à 20 minutes. C'est notamment dans la très longue première scène qui se passe à la cuisine et dans l'appartement des protagonistes, où elle est au téléphone tout du long. Il y a des coupes notamment qui ont été faites dans les dialogues entre les enfants. Et il y a un enfant en moins aussi Oui. dans le truc final. Et il y a des scènes à l'église qui ont été supprimées, probablement pour économiser un décor. Et un personnage. Et un personnage aussi, le prêtre et aussi le nouveau mari Oui, et de donc deux personnages, l'héroïne. effectivement. Ouais, c'est ça. Donc au final, trois personnages qui sautent avec l'enfant en moins. Ça permet d'avoir un casting très limité dans cette histoire. Mais et puis on le verra, ça ne, comment dire, ça ne trahit pas du tout le script original, quoi Non, qu'il en bah d'ailleurs, soit. je pense que c'est King qui les a faites, hein, les coupes, à mon avis. C'est fort possible. Il a mis la version complète dans Rêve et Cauchemar parce qu'il avait la place et il s'est dit autant en profiter, mais je pense qu'il a été impliqué dans les coupes. Le réalisateur est mentionné au générique sous le nom de John Sutherland, mais comme je l'ai dit, son véritable nom c'est John Harrison, et donc on en a déjà parlé puisque c'est lui qui réalise justement Darkseid, les contes de la nuit noire. Donc un réalisateur dont on avait dit qu'il était compétent, même si là forcément c'est à la télévision qu'il va se retrouver. Oui, fatalement, moins de budget, et ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Le casting, on va parler principalement bah, de deux acteurs, parce qu'en réalité, c'est quasiment que deux acteurs qui apparaissent, à part les enfants et d'autres personnages secondaires. Oui, mais qui apparaissent tellement, peu que... Donc, l'héroïne est jouée par Deborah Harmon, qui en début de carrière avait joué dans un film de Robert Zemeckis, mais que je n'ai pas vu, La Grosse Magouille avec Kurt Russell. Je ne sais pas Effectivement, si tu moi... le connais. Non, moi non plus. Et sinon, Deborah Harmon est surtout active à la télévision. Son rôle le plus notable, c'est dans une série qui s'appelle Un toit pour 10. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais. Et dans le rôle du mari, il y a Arthur Taxier, qui a joué dans une série, a priori, qui a eu son petit succès, qui s'appelle Jack Killian, l'homme au micro. Voilà. Ça a l'air d'être un procédural un peu chelou. Sur un flic devenu animateur de radio et qui règle le problème de ses auditeurs, si j'ai bien compris. Le titre est incroyable. Ouais. Je crois que le titre original, c'est The Midnight Man ou un truc du genre. Le titre original est un peu mieux. Sinon, il a des petits rôles par-ci par-là, surtout à la télé. On peut citer un petit rôle dans Donnie Darko, mais c'est encore une fois un acteur relativement peu connu, relativement de second plan. D'accord. La photographie est de Joseph D. Urbanczyk, qui a été directeur photo sur 15 épisodes de Darkseid, mais en dehors de ça, c'est plutôt quelqu'un qui a été en renfort équipe caméra. Il a fait quelques autres trucs en directeur photo, mais pas grand-chose. La musique pour cet épisode est de Ken Lauber, c'est sa seule contribution à la série. Il a une activité musicale sur pas mal de médias, il fait des musiques pour le ciné, la télé, le théâtre, des albums divers. Bon, je trouve pas que la musique soit franchement ouf. Elle est très générique et pas toujours bien Oui, adaptée à l'ambiance. Donc effectivement. voilà. Je sais pas s'il fait mieux en dehors, mais là c'est pas mémorable. On espère en tout cas. Ouais, j'espère pour lui. Et les musiques du générique, qui sont reprises donc dans chaque épisode de la série pour le coup, sont composées, co-composées par Donald Rubinstein, dont on avait déjà parlé sur Darkseid et qui est un compositeur régulier pour Romero aussi, et Erika Lindsay. Et la voix off qui lit le texte introductif, le même à chaque épisode, c'est Paul Sperrer qui donne tout ce qu'il a. Hein. Vraiment, il y va à fond sur son texte introductif. Du coup, compositeur de Roméo, et Roméo, on en reparle aussi pendant l'épisode. Oui. Enfin, on en reparle. Un personnage visionne un film de Roméo, n'est-ce pas? Ouais, effectivement. De manière amusante, le scénario a été réadapté, alors deux fois. Une fois en Dollar Baby officiel, mais donc introuvable, en 2005 par Brian Berkowitz. Ok. Et on trouve également, je t'en avais parlé sur YouTube, une version faite par des étudiants, voilà, qui ont repris le scénario. Alors c'est plutôt cheap, j'ai pas regardé vraiment, mais il existe un Désolé bon numéro fait par des étudiants. Il faut que tu le mettes au chapeau, voyons. Pour un Non, bah épisode bonus. ça a l'air d'un truc amateur, pas particulièrement bien joué, mais du peu que j'en ai vu, ils ont l'air de se donner à fond, hein. Ils ont fait des efforts pour faire leur truc, c'est un peu attachant en réalité, donc j'ai pas trop envie d'en dire du mal. Oui, c'est une version suédée, comme tu m'avais dit. Ouais, c'est ça, mais ils se sont tapés leur délire, ils se sont bien amusés, je pense, donc j'ai de la sympathie pour ce genre de démarche. Mmh. Donc voilà tout ce que j'ai à dire sur cet épisode, et tu vas pouvoir donner ton avis. Oh, Lois, hold on, that's the other line. Bill, could you get the other... Where are those blank videotapes? I can't find any in the study. Wait. I'm gonna put you on hold, Lois. Hello? Please, take... Polly, is that you? Honey, it's Mom. Polly, what's wrong? Quick, please! Now, honey, calm down. Whatever it is, it can't be that... Oh, no. Bah écoute, je l'ai vu, et voilà. Non mais, c'est pas mauvais, ça s'inscrit tout à fait, ça correspond parfaitement à la série auquel ça appartient. Ça se tient bien, tu le regardes sans dégoût, bon le jeu des acteurs est pas toujours au top. Je trouve qu'il y a une scène qui en termes de tension marche un peu, c'est celle où ils arrivent chez la sœur, qui est supposée... morte, en fait, le doute c'est sur elle qui l'a amenée à un moment. Mais voilà, et maintenant que je l'ai vu, bah, je sais que d'ici quelques jours, slash semaines, bah, je l'aurais totalement oublié. Mais fondamentalement, j'ai pas passé un moment écœurant à le regarder, voilà. Un peu pareil, je trouve que King reprend bien les codes de ce genre de série, avec un twist qui arrive, qui fonctionne pas trop mal. Il est peut-être un peu plus prévisible aujourd'hui qu'on a eu quand même beaucoup de trucs dans les 20 dernières années qui jouent sur ce genre de notions. Oui. Bah le cliffhanger final, on va le dire direct, hein, c'est qu'en fait c'est elle-même qui s'appelle du futur, sans vraiment le vouloir en fait. Et tu t'en doutes en fait dès le début. Mais tu t'en doutes parce que maintenant, comme tu le dis, c'est quelque chose qui a été déjà éculé maintes et maintes fois dans plusieurs récits de ce type. Nul Alors, doute qu'on aurait vu l'épisode à l'époque, peut-être qu'on ne l'aurait pas vu venir. Du coup, je vais spoiler un peu un autre film, mais qui a 30 ans, on va dire, ça va. Mais c'est pas exactement le twist de fin de L'Armée des Douze Singes aussi, ça ? Si, c'est ça. Ouais, on est d'accord. J'ai rien y songé. Donc oui, on le voit un peu plus venir, mais ça marche, d'autant plus que ça dure 20 minutes, donc c'est pas comme si on nous construisait une heure et demie sur un suspense éventé, ça aide aussi. Et oui, je voilà, trouve que, en effet, le jeu est pas ouf, mais par contre, il y a une bonne gestion de l'espace clos, parce que, en oui. somme, ça se passe à 80% dans un seul décor, à part le moment où ils vont voir la sœur. Et c'est pas mal géré, le rapport au téléphone, avec une meilleure réalisation encore, ça aurait pu être plus plein de tensions, je pense. Oui, clairement, ça aurait pu donner quelque chose de vraiment très très bien. Là, c'est dommage que, du coup, vu que ça s'inscrit tout de même dans une série d'anthologie où chaque épisode fait 20 minutes, on n'a pas trop de points de comparaison sur l'ensemble de la série. S'il faut, c'est un épisode faible dans la série, tu vois ce que je veux dire à la... C'est ça je qui me est... suis renseigné un peu sur la série. Il est plusieurs fois cité dans les épisodes un peu mémorables, quand même. Ah, quand même, d'accord, ok. Ouais. Visiblement, il est dans la moyenne haute de la série... Au global, je pense que du coup, c'est une série devant laquelle je me ferais un peu chier, mais bon. Du coup, s'il est considéré comme le haut du panier, je me dis bon. Il y a moyen, après, c'est le genre de truc qui se regarde distraitement, en faisant un peu autre chose. C'est comme ça que je perçois ce genre de série, moi, en tout cas. Oui. Et puis, encore une fois, ça dure 20 minutes, on n'a pas tant le temps que ça de s'ennuyer. C'est vrai. Un petit format bâtard. Globalement, la photographie est pas ouf, bah elle est télévisuelle quoi. Oui, alors elle est télévisuelle, on va quand même, je pense, par honnêteté, mettre des pincettes. On l'a vu, dans une version ultra dégueulasse parce que ouais, ultra saturée par j'allais le dire effectivement. Ouais. Ultra saturée par la conversion, déjà celle de YouTube et puis à mon avis celle de la VHS de base parce que c'est pas une qualité DVD qu'on a vue. Ah non, ça clairement pas. Donc sur l'aspect visuel, je pense on peut mettre des pincettes, même si ça se voit, oui, que c'est quand même de l'éclairage TV, c'est tout quoi. C'est à peine C'est à peine upgradé, quoi. Oui. Mais voilà, c'est, on passe un bon moment, et ce qui lui manque, c'est peut-être une réalisation un peu plus confortable. En fait, aujourd'hui, je pense que ça aurait été automatiquement mieux réalisé, étant donné que les moyens de la télévision ont quand même largement augmenté par rapport à l'année de sa sortie. Oui, tout à fait. Donc, avec le même scénario, il y aurait peut-être eu quelque chose aujourd'hui qui aurait eu un peu plus d'effet. Rien qu'en termes de réal et d'éclairage, ça aurait eu une bien autre gueule si ça avait été fait aujourd'hui. Comme tu le dis, oui, le moyen des séries télé a tellement explosé. Il y a un ou deux plans qui arrivent à filmer le téléphone comme un objet de menace et donc qui marche pas mal. Oui, parce que ça, c'est plutôt pas mal évoqué dans le script de King. Oui, le côté menace du téléphone. Dans le script, ouais. J'aime bien à un moment l'idée que la fille se marie le jour anniversaire de la mort du père. Alors c'est à la fois c'est à la fois mignon et bizarre. Je me dis c'est surtout risqué parce que effectivement si le mariage est heureux ça va permettre d'avoir un anniversaire chouette à fêter, mais s'il divorce au bout de 6 mois ça en fait vraiment une date de merde quand même. Oui voilà c'est ça. C'est quand même assez étrange. C'est un choix intentionnel dans l'adaptation, alors que dans le script, c'est sous-entendu que tout le monde a oublié, enfin plus ou moins oublié, que c'était la date de la mort du mari. Pas la protagoniste, donc non, pas la femme. Elle l'a décidé sans trop en parler, mais effectivement, dans l'adaptation, on a l'impression que la fille en est bien plus consciente aussi. Voilà, c'est ça, alors qu'elle ne l'est pas dans le script original. D'ailleurs, on peut un peu évoquer les différences entre le script original et l'adaptation. Ce qui fait le changement, justement, c'est peut-être le fait que pas mal des dialogues de la fille dans l'adaptation, dans la version filmée, sont tenus par le nouveau mari dans le script original. Oui. Et donc on peut comprendre qu'il n'ait pas retenu la date de mort de l'ex-mari de sa nouvelle femme. Oui, voilà. Lui, c'est tout à fait logique même. Voilà. Mais donc oui, il y a ça. Il y a la phase de l'enterrement qu'on ne voit pas dans l'adaptation. Bon, qui après n'apporte pas grand-chose. Hein. Non, c'est vraiment une scène ultra classique d'enterrement, mais vient ensuite directement donc la scène du mariage que là on a. Sauf que bon, est évoqué et montré par la suite le fait que la protagoniste principale, en fait, a refait sa vie. Oui. Chose qui passe totalement à la trappe. Alors, on l'a évoqué hein, sans doute pour des économies de personnages, fatalement à mon avis. Mais oui, c'est totalement jeté aux oubliettes dans l'adaptation. Mais je trouve pas que ça dérange, ça. Non, pas du tout. Ça change pas grand-chose pour le coup. Et bien entendu, ce côté maléfique / fantastique au téléphone en lui-même. Oui, qui est pas trop mal géré, même si pareil, ça aurait pu être bien mieux fait encore. Ouais, c'est vraiment léger, quoi. Ouais. Là où ça appuie vraiment dans le script original, avec des sous-entendus, comme quoi le téléphone repose par terre tel un serpent maléfique, voilà. Les allusions démoniaques sont là, quoi. Il doit vraiment avoir un truc avec les téléphones, hein, King, vu qu'il a fait tout un roman sur les portables, peu après. Avec les objets maléfiques, j'ai envie de te dire. Oui, c'est pas faux, effectivement. À chaque fois, je repense au gag... Des Simpsons Non, c'est dans Family Guy, cette version-là, celle où il est avec la lampe, là. Oui, voilà, oui, c'est dans Family Guy, ça. Vous n'avez vraiment plus aucune idée, n'est-ce pas? Une lampe maléfique, ouh! Le clin d'œil des Simpsons, c'est dans un... C'est dans un Halloween spécial. Ouais, c'est ça. Et il y a un épisode classique aussi où il apparaît et où il dit qu'il est en train d'écrire un livre sur Nikola Tesla et que ça dégénère en truc genre Frankenstein où il ressuscite des morts et torture des gens. Et où Marge lui dit « Ah bah j'ai hâte de le lire !» Je veux voir ce projet. Ouais. Un peu, ouais, c'est vrai. On a envie de lui dire de l'écrire pour de vrai, celui-là. Surtout qu'à mon avis, connaissant les Simpsons, c'est lui-même qui doit se doubler. Je crois, ouais. Connaissant les Simpsons, ils aiment bien faire ça. Et puis lui aime bien les caméos, donc... Pas de raison que ça ne soit pas lui qui le fasse. Pour revenir à l'épisode, la fin qui réemploie des images flashback de ce qu'on a vu 10 minutes plus tôt, moi je suis jamais fan de cette technique, il y aurait probablement eu d'autres moyens de le faire. Bah, surtout sur un épisode qui dure 20 minutes, et donc, comment tu peux avoir oublié ce qui s'est passé, quoi? C'est pas possible. C'est vraiment prendre le spectateur Pour un demeuré, il n'y a pas d'autre mot. C'est ce qui s'appelle la technique Dragon Ball. Oui, enfin bon. comment faire des épisodes avec seulement 5 minutes inédites. Mais oui, c'est une technique qui se faisait beaucoup en même temps à la télé à cette époque. Hein. Faut être honnête. Oui, clairement. Et c'est peut-être pour penser aux gens qui arrivaient en milieu de programme, etc. Mais c'est vrai que ça s'adapte pas très bien... Sur un format mini comme ça. Sur un format mini comme ça et au revisionnage, quand on se concentre dessus. Ouais, c'est des techniques de télé qu'on fait encore aujourd'hui un peu, hein, mais qui sont quand même un peu datées et qui ont mal vieilli. Faut bien dire ce qu'il y a. Ouais, faut quand même... Voilà. Moi, je vois pas grand-chose à ajouter. Je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, vous pouvez le regarder, vous passerez un agréable moment. Ça se trouve très facilement hein, en ligne, en qualité dégueu, comme on l'a dit, mais ça se trouve très facilement. Oui. Et puis, vous pouvez regarder la version suédée ou la version Dollar Baby, si vous la trouvez dans le 4-7-2e. Faire un tournoi de quelle est la meilleure adaptation de ce script. On fait une scène, du coup ? Bah, allons-y. Très bien, nous choisissons une scène, forcément dans un épisode de 20 minutes, il n'y a pas non plus 36 000 choix, mais quand l'héroïne et son mari ont donc commencé à appeler toute la famille pour savoir qui avait appelé en panique, ils ont réussi à avoir la fille aînée et la mère, et c'est pas elle, par contre le téléphone de la sœur cadette ne répond pas, a priori il est en dérangement et donc apeuré, ils se rendent chez elle et quand ils arrivent, ils trouvent la porte d'entrée comme forcée et la maison dans un capharnaüm total. Mmh. Some people just eat up my books, but this is ridiculous. Hi, Dawn. Oh, hi. Oh, you guys should have called. The place is a mess. We tried to call Dawn, and the operator said the phone was off the hook. Oh, my God, Bill, I'm sorry. The baby's teething. I know some critics who would say he made a good choice. Dawn, I don't want to scare you, but someone was at your front door trying to force it. Oh, gosh, no, that was Jerry. I had locked us out by mistake, and he was really mad because he didn't have his key, and he had to take a whiz real bad, so he took a screwdriver to it. I had no trouble getting in. Oh, sometimes I forget to lock it. Donnie? Did you call me earlier this evening? No, Gina, I was too busy. I was busy with Dustin. He kept trying to eat the fabric softener. And then he finally got sleepy, so I sat down to wait for your movie to come on. Très bien, donc cette scène est la seule du script qui sort de la maison des protagonistes et qui vaut un petit moment effectivement où il y a un peu de tension qui marche assez bien. Oui, qui marche pas trop mal. Bon, je te laisse détailler un peu. Bah déjà, il y a tout le moment inquiétant qui précède, donc quand ils sont encore chez eux et que la protagoniste, à chaque fois j'oublie son nom, bref, appelle au fur et à mesure les femmes de sa famille, parce qu'au début elle pense que c'est leur fille, finalement ce n'est pas ça, après elle pense que c'est sa mère, ce n'est pas ça, puis en vient sa sœur à elle, qui ne répond pas. Et donc là, fatalement, petit moment de tension, le mari appelle l'opératrice, parce qu'à l'époque, À l'époque, les jeunes, il y avait des opérateurs téléphoniques qui étaient en contact perpétuel, bref. Et ils lui font bien comprendre que, en fait, elle peut pas intervenir sur la ligne vu que le téléphone est décroché. Et en fait, toutes ces petites choses font monter la tension au fur et à mesure jusqu'au moment où les deux personnages principaux débarquent chez la sœur, que la porte est ouverte. Il me semble que la porte est ouverte. Ouais. Donc, encore de l'inquiétude qui monte et au fur et à mesure jusqu'au moment où en fait, il se rend compte que, elle était juste assoupie dans son fauteuil en train d'écouter de la musique et le combiné était décroché pour on ne sait quelle raison. Voilà, mais tout ce qui a amené ce moment jusqu'à la conclusion est plutôt bien fait, plutôt bien rythmé, et donc oui, effectivement, il y a un petit moment de tension à ce moment-là. Et en plus, on l'a dit, ça amène un changement de décor, ce qui vraiment dynamise encore plus la scène, vu que tu débarques dans un nouvel environnement, voilà. Ouais, j'aime bien la succession effectivement de petits éléments qui en soi en fait ne sont pas particulièrement inquiétants mais qui forment un tout. C'est ça. Ou vu qu'ils se sont déjà fait une idée qu'il se passait forcément quelque chose, ils vont tout interpréter mal. Bon, parce qu'effectivement la maison est en bordel mais ils savent bien que elle a un enfant en bas âge qui commence tout juste à marcher donc tout le monde sait que ça fout un bordel pas possible. Donc c'est juste ça, c'est en réalité quand tu re-regardes la scène en sachant ça, tu te rends compte qu'il n'y avait rien de particulièrement inquiétant, à part la porte ouverte, mais bon voilà, ça arrive de mal refermer sa porte aussi. Oui voilà, c'est exactement ça. Ou de mal raccrocher son téléphone, ça arrivait d'autant plus avec les trucs à gros cadran, ou si tu le posais pas pile comme il fallait sur la fourche, ça se raccrochait pas. C'est ça. Mais donc voilà, oui, c'est plutôt ça bien donne mené. Une bonne scène. Ouais. À noter aussi dans la première partie, dans toutes les conversations au téléphone, qu'il y a une bonne gestion du fait qu'il y a plusieurs choses qui se passent en même temps, avec les enfants qui veulent qu'on leur enregistre un programme. Oui. Enfin, il y a plein de choses qui se passent en même temps. Quand le mari téléphone à l'opératrice téléphonique, justement, elle est fan de ses livres parce qu'il est auteur. Oui. Et elle se met à lui en parler. Il y a toujours l'impression qu'il y a plusieurs conversations en même temps qui, pareil, rajoutent de l'attention. Pas parce que c'est des conversations inquiétantes en elles-mêmes, mais parce que ça veut dire qu'on doit avoir la tête à plusieurs trucs en même temps. Puis bon, c'est vrai que c'est pas trop le moment. Oui, effectivement, ouais. C'est faut que les gens apprennent à savoir quand interrompre un artiste. C'est ça. Ça m'étonnerait qu'à moitié que ce soit un peu du vécu de la part de King, qui a dû plusieurs oui, fois c'est... se faire aborder n'importe quand par des fans. C'est fort possible. Bon, voilà, je propose qu'on le classe. Et allons-y. Très bien, nous allons le classer. Nous avons pour le moment 85 œuvres filmées au classement, avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Mikael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick, et aux 5 dernières Children of the Corn Genesis de Joël Soisson, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan, You Can't Kill Stephen King de Ronnie Khalil, Monroe Man et Jorge Valdeciga, et Room 237 de Rodney Asher. Lui, je sais pour qui il va voter dimanche. Enfin, s'il était français. Ouais, c'est ça. Ça va, il n'a pas le droit de vote, je pense, chez nous. Donc, où est-ce qu'on va classer cet épisode? Je regarde un peu dans quelle zone ça me paraît pouvoir aller. Je regarde également. Là, je suis aux alentours de... entre les places 40 et 50. 40 et 50, c'est haut quand même. Ouais, c'est peut-être haut. Mais en même temps, fatalement, c'est moins ennuyant que certains trucs qui sont dans ces eaux-là. Ouais, mais parce que ça dure 20 minutes. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, on peut descendre. Oui, c'est peut-être moins bien que Creepshow 2 à la 59e place en réalité. Ouais. Ouais. Donc si on descend encore. Après là, je commence à vraiment m'ennuyer par contre. Dès qu'on passe Creepshow 2, on Oui, bah arrive c'est à la ça. saison 1 de Monsieur Mercedes et ça devient chiant. C'est ce que j'allais dire. Hein. À la limite, on peut même le remonter un peu et le mettre soit au-dessus, soit en dessous de quand l'autovirus met cap au nord. Hein. Mais Effectivement. fatalement, c'est un peu dans le même style. Hein. Oui, l'épisode est sympa, c'est sympa à voir, mais tu te relèveras pas la nuit pour aller le revoir et dans quelques temps, tu l'auras totalement oublié. Tu le verrais plutôt au-dessus ou en dessous? Quand l'autovirus met cap au nord est un peu mieux réalisé, même si c'est pas non Ouais. plus la fifolie. Il est quand même mieux réalisé, il y a un peu plus de tension, il y a des moments, je pense, qui fonctionnent mieux dans quand l'autovirus met cap au nord, mais après, en même temps, ça tente plus de choses. Bah déjà, parce que la nouvelle tente des choses. Ouais. Bon, disons en dessous. Disons en dessous, ouais. Très bien, désolé, bon numéro prend donc la nouvelle 58e place entre Quand l'autovirus met cap au nord de Sergio Mimica Gesan et La Tour sombre de Nicolas Jarcel. C'est donc tout pour cet épisode. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour parler de La créature du cimetière, adaptation de la nouvelle Poste de nuit qui est dans le recueil Danse macabre. C'est bien ça. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Arrobase cinéma archiviste pour toi sur Blue Sky et sur Twitter et arrobase Chris-du-6 Lost Tales sur Blue Sky pour moi. Vous pouvez nous retrouver sur Twitch The Lost Tales pour toi. C'est les tirets du 8, Non, c'est les c'est... underscores, non, sur. Sur Twitch, c'est Je des crois. underscores. Ouais. Donc sur Twitch, The Lost Tales séparé par des underscores. Moi, c'est Archiviste du cinéma aussi sur Twitch. Nous sommes sur Discord, le Discord de The Lost Tales. Je mets les liens dans la description. Et j'ai également une chaîne YouTube principalement consacrée au cinéma asiatique. D'ici que cet épisode sorte, il y aura probablement une nouvelle vidéo qui sera sortie. Voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Ça commence à être le bordel, hein, là où on peut nous retrouver. Ouais, bah c'est, on fait beaucoup de trucs, on essaie de devenir célèbre par plein de moyens. Il y en a bien un qui va réussir. N'hésitez pas à nous retrouver au Palais de l'Élysée bientôt. Pour foutre le feu. Bientôt le OnlyFans aussi, on Ah. va tout faire. Mais effectivement, qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu, comme disait l'autre? Le grand soir. Bah voilà, en tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. À dans 2 semaines, et n'oubliez pas, Que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 7 jours jours sur sur 7, 7, 24 24 heures heures sur sur 24. 24. Salut! Salut!